Chiva, Aruan de Serga, La Paca y Moscú de Salvan Chiva. Et diable lâché, et jusqu'à dans la bourse droite, c'est l'us. Allez, pas le brut, c'est rue dans les rues. Et les maris charrient, les abattillons. Du dernier que de la raciale, de la bourre à campagne électorale. Du dernier que de la guérale, de la bourre à campagne électorale. Yeah.